Ouais, salam alaikoum, salut, vous autres, hein, mec. Le titre s'intitule Qui sont les vrais subversifs? Hein, les vrais antisystèmes. On vit dans une époque où, bien sûr, tout est mêlé, le faux, le vrai, etc. D'autres appellent à un monisme dialectique pour résoudre les problèmes, d'autres appellent à se renfermer dans leur propre groupe, d'autres. D'autres essayent d'être anti-conspirationnistes total, d'autres purs conspirationnistes total, sans juste milieu, alors que ça devient plus du conformisme d'être conspirationniste de nos jours. Au contraire, il y a, voilà, le faux est mêlé avec le vrai, etc., qui sont vraiment les, entre guillemets, les marginaux, les rebelles, hein. Pas les rebelles, Renégat, l'émission avec celui avec les longs cheveux, hein, sa moto Harley Davidson, hein, et l'Indien, la plume d'acier, je sais pas comment il s'appelle celui-là aussi. Non, lui c'était c'est plus proche de la Gay Pride que de la rébellion. Mais non, bon, tout est un peu mêlé. Mais le truc c'est quoi? C'est qu'en fait, voilà, on fait passer un peu les faux subversifs pour les vrais subversifs, les faux héros pour les vrais héros, les vrais marginaux. C'est confus et ainsi de suite. Faut aller à la racine. En tant que musulman, avoir un œil géopolitique sans fondation musulmane, il y aurait un problème, une saturation claire et nette. Prenons un exemple. Par exemple, si on prend des antisionistes un peu connus dans le paysage médiatique français, belge, suisse, enfin, quand je dis médiatique, c'est plus dans l'atmosphère, enfin, dans le climat internet, etc. T'as Alain Soral, t'as Michel Collomb, etc. Antisionistes, d'accord, mais eux, par exemple, pour le cas de la Serbie, la Bosnie, te disent, voilà, ils t'expriment clairement qu'ils sont plus du côté de la Serbie, parce qu'ils disent que le séparatisme est quelque chose qui est voulu, engendré, qui est promu par l'impérialisme américain. Et donc c'est eux qui étaient à la base de l'origine de cette division, voilà, entre musulmans, serbes, chrétiens, bosniaques, etc. Donc ils sont mis un peu du côté des Serbes, quoi. Ils ont plus défendu les Serbes, ils défendent encore maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils ont un œil géopolitique dénué de fondations théologiques, religieuses, pour être plus précis, islamiques, ils ne sont pas musulmans. Donc automatiquement, quelqu'un qui n'est pas musulman, on va dire, sa vision géopolitique, il y aura des convergences, bien sûr, avec le musulman qui s'intéresse à la géopolitique, mais il y aura souvent aussi des saturations et des divergences claires. Pourquoi? Parce que, par exemple, je prends cet exemple-là, mais il y en a plusieurs, le cas de la Serbie, on le sait, voilà, de façon claire et nette, que l'Amérique, bien sûr, était derrière tout ça, que ce soit aussi pour la Kabylie en Algérie, la division, le séparatisme, c'est voulu, on le sait. Je veux dire, nous, on applique en fondation, en racine, notre enracinement est l'islam. Et ensuite, tu fais, en fonction de ça, tu mets en coordonnance ta vision géopolitique avec l'islam, un racinement. Et donc, nous, d'accord, on a compris que c'est les Américains, ils avaient leur profit par rapport à cette guerre-là, mais nous, on s'en fiche un peu dans le sens où nous, on applique une règle qui est connue dans le fiqh, dans la jurisprudence islamique, qui est qu'un musulman, une nation musulmane est attaquée. Par les non-musulmans, on défend les musulmans, tout simplement. Ils sont attaqués, ils sont tués, on les défend. Peu importe si l'Amérique a un intérêt derrière, même si c'est vrai, peu importe si l'Amérique a voulu cela, même si c'est vrai, on s'en fiche, parce que de toute façon, toute guerre, il y a un intérêt derrière. Une nation aura un intérêt derrière. Hein? Par exemple, même si on va dire que la Corée du Nord et la Russie se tapent dessus, ce qui pour le moment, je pense, serait un peu utopique, mais bon, prenons ça comme exemple, il y aura quand même. L'Amérique va quand même trouver son compte, je veux dire, quelque part, tu vois. Donc, s'en fiche un peu de savoir, nous les musulmans, on s'en fiche un peu de savoir, fin de compte, à qui profite un peu la guerre, on s'en fiche. Nous, on est plus dans le domaine un peu, ça rentre un peu dans le domaine ésotérique pour ces gens-là, les non-musulmans qui ont un petit côté antisioniste, un peu rebelle en guillemets, mais voilà, c'est un peu, c'est dans le sens où, voilà. On s'en fiche, quoi. Le musulman est attaqué, on cherche pas à comprendre qui a financé le séparatisme et qui a voulu. S'en fiche. Tu vois. Voilà. Le musulman est attaqué, on le défend. Point barre. Donc voilà, j'ai pris cet exemple pour montrer déjà que, déjà, une vision géopolitique sans fondation islamique, Il y aura une saturation. Maintenant, qui est vraiment subversif, qui est vraiment anti-système, etc. Déjà, quelqu'un qui passe souvent la télévision, sachant que la télévision, bien sûr, elle symbolise, elle incarne, elle symbolise, elle incarne dans sa totalité, dans son essence même, quoi, elle symbolise tout simplement le pouvoir, hein, même si c'est public-privé, c'est des conneries, on sait qu'il y a une hiérarchie, on sait qu'il y a l'État derrière, hein, sous l'étendard d'une pseudo-démocratie, liberté d'expression, il y a des ordres qui viennent d'en haut, hein. Et donc souvent, celui qui est souvent invité dans les plateaux de télévisés, déjà il y a un truc louche. Donc être subversif et en même temps être invité chez Ratisson, chez Marc-Olivier Fogel, ou je sais pas quel autre, quel autre du con, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Ensuite, bien sûr, chaque règle a exception. Par exemple, Marc-Édouard Nab, je veux pas dire qu'on le voit souvent, mais c'est vrai que cette année, du moins l'année 2010, il a été invité quand même. Pas dire beaucoup, je vais pas dire beaucoup, mais il a été invité. Mais lui, je pense que c'est plus parce que par rapport au fait qu'il réfute les conspirationnistes. Voilà, donc il a été plus invité. Mais automatiquement, pour certaines personnes, les purs conspirationnistes, là, les malades, enfin ceux qui sont vraiment dedans, tous les conspirations, tu vois. Attention, tu portes un boxer, il y a un œil illuminati, tu vois. Non, parano, là. D'ailleurs, ceux-là, ils sont similaires aux sionistes, hein. C'est la même hystérie, c'est le même cri, c'est le même. Non, je veux pas argumenter avec toi, je veux pas débattre avec toi, tu n'es qu'une merde. Donc si t'es pas d'accord avec un conspirationniste complètement parano, on traite de sioniste. Et si bien sûr t'es pas d'accord avec un sioniste, on traite d'antisémite. Donc ils sont un peu près de la même famille niveau psychisme, tu vois. Enfin bref. Donc déjà la télévision, voilà. Donc Marc Adornan, je veux dire peut-être c'est un peu l'exception à la règle, parce que voilà, il est anticonspirationniste notamment concernant le 11 septembre, mais. Voilà, alors les gens disent, voilà, donc il a vendu son âme, tu vois, les antisionistes de service, alors que tu peux en même temps adhérer, bien sûr, à ce qu'on appelle la version officielle du 11 septembre, en disant, voilà, la loi du talion a été appliquée. Les Américains, via, bien sûr, World Trade Center et compagnie, ils ont attaqué je ne sais combien de milliers de musulmans, ils sont à l'origine de la pauvreté à peu près dans 60%, 60% de pays. Le PIB, les 47 pays les plus pauvres du monde, le Trade Center a quand même une part de responsabilité. Donc, on peut aussi jouer avec les mots, dommages collatéraux, hein, puisque ceux de l'autre camp, ils aiment bien exprimer ce truc-là, c'était un dommage collatéral, tu vois, je sais pas. Enfin bref, donc pour revenir au vif, le truc c'est quoi? C'est que, donc voilà, déjà la télévision, ce qui passe souvent, que ça soit dans l'ordre de l'islamologie, hein, pas citer de nom, et les gens comprendront, hein, yo-yo, ça rime en plus, ou bien, ce soit dans le domaine de la politique, de la géopolitique, etc., déjà quand tu es souvent invité à la télévision, il y a un petit truc. Ensuite, se faire passer aussi pour un subversif, tu vois, en montrant avec ostentation, hein, le drapeau iranien, hein, Hezbollah, la seule résistance, etc., il n'y a rien de subversif là-dedans. Quand on étudie de façon sérieuse, hein, de façon sérieuse, un peu le cas de l'Iran, du Hezbollah, on comprend un peu que ça bouge plus pour leurs intérêts, que c'est plus du show qu'autre chose. On sait que l'Iran a du commerce, le commerce avec Israël, les preuves sont là. En 2001, Khatami, l'ancien président iranien, collaborait avec les Américains, il a dit clairement, lors d'une interview de 1 heure et demie qu'on peut trouver aussi sur Internet, face à un journaliste américain de la Fox, je pense, où il a dit clairement qu'il a collaboré, qu'il a aidé les Américains en 2001 à détruire les talibans, hein, parce que les talibans représentaient une menace sunnite radicale, soi-disant. Donc, on voit déjà la couleur. Hezbollah, on sait déjà par qui il a été fondé, par un chiite laïque. Donc, on va chercher le truc. Chiite laïque. D'accord. Ça existait, pas que. Un chiite laïque, que Hezbollah, quand on voit bien le truc, ils n'ont bougé que pour leurs intérêts. En 2006, il y a une guerre entre le Liban, hein, Hezbollah et Israël. Ils ont bougé pendant un mois. Voilà, ça a été médiatisé. Mashallah. Ensuite, ça a été, voilà, quoi. Mashallah, quoi. Nasrallah, c'est le sauveur. Mais, bizarre, quoi. Parce que, d'un côté, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, le chiisme, tu vois, c'est le seul qui bouge. Les chiites, c'est le seul qui bouge. Mais, premièrement, Hezbollah, à part 2006, hein, et à part la petite épopée d'otages français et compagnie, bref, il n'y a rien eu de résistance, quoi. Hezbollah ne bouge que pour leur intérêt. Ils ont bougé que pendant un mois en 2006, parce qu'ils ont, voilà, tout simplement, Israël a attaqué, il y a une guerre entre eux. Mais, je veux dire, Hezbollah, soi-disant le parti de Dieu, Dieu veut dire quoi? Allah Azawajal, dans le sens, tu es le parti d'Allah, tu es le parti de l'islam, entre guillemets, de la Umma. Alors pourquoi ils bougent pas? Et c'est pour les autres contrées. Et, en fin de compte, Beaucoup ont dit à cette époque-là, t'as vu, Hezbollah, les chiites, ils ont, c'est les seuls qui bougent, les sunnites, ils foutent rien. Mais j'ai une question. Au Cachemire, aux Philippines, en Somalie, en Afghanistan, en Irak, en Tchétchénie, et ainsi de suite, en Birmanie, c'est pas des méchants sunnites, wahhabites, batteurs de femmes, barbus qui bougent. Et qui n'ont pas bougé que pendant un mois en 2006, mais qui bougent depuis des décennies. Khattab, c'est pas un méchant sunnite wahhabi, celui qui a tenu tête en Russie et qui a été tué de façon lâche. Abu Sayyaf, Abu Omar al-Baghdadi en Irak, hein? Les talibans qui sont en train de, hein, tel David contre Goliath, ils sont en train de tenir contre toutes ces alliances impies. En passant par la Belgique, Grande-Bretagne, France, Amérique. Je veux dire, c'est quoi? C'est des chiites, quart de membre du Hezbollah. Donc c'est ça le problème, c'est que les gens, voilà, ils ont le Hezbollah qui a bougé juste pour ses intérêts pendant un mois. Mashallah, c'est ceux qui bougent. Mais mon frère, réveille-toi. Les Mujahideen, sunnis, hein, de Ahlul Sunnah wal Jama'a. Ils ont pas attendu, une petite saturation, socio-économique pour bouger. Ils bougent depuis des décennies. Et ils sont où les médias? L'Iran, c'est un peu pareil. Pour moi, l'Iran et l'Arabie Saoudite, le régime iranien et le régime saoudien, c'est la même merde, c'est le même truc. Le régime iranien qui, voilà, la phrase célèbre, éradiquer Israël, ou bien, ouais, Israël, bref, un truc en rapport avec Israël, et puis les petites provocations, allez, caricatures sur la Shoah, etc. C'est juste du show. C'est du show politique. Les Américains, ils ont plus intérêt à ce que les gens embrasse le chiisme que le sunnisme. Ils ont plus intérêt à ce nom. Parce que le chiisme, non seulement, quand on lit, par exemple, leurs écrits tels Al-Kafi, hein, qui sont pour eux un peu ce qui est pour nous le Sahih al-Bukhari wa Muslim, on voit clairement leur projet. Le émirat chiite, c'est pas un émirat qui a comme but de se répandre internationalement. C'est une certaine partie en Asie, au Moyen-Orient. Tandis que l'islam orthodoxe, l'islam des fondements, l'islam qui suit la manière des Salaf Salihin, des pieux prédécesseurs, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le projet, bien sûr, est de répandre l'islam de façon internationale, et inshallah, que le khilafa soit international. Et c'est ce qui va arriver, inshallah, à travers le temps, à travers les siècles, à travers les décennies, on ne sait pas, mais ça va arriver, puisqu'Allah, Azawajal, nous en fait part, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous en a fait part. Donc, les Américains, ils ont plus intérêt. Alors, qu'est-ce qui se passe? On façonne l'image, Ahmadinejad, porteur de l'antisionisme par excellence, le Hezbollah qui est un peu le bras musclé de l'Iran et compagnie. Tout ça, c'est du show. C'est du show. Je suis sûr que derrière les caméras et tout ça, ça s'embrasse. Ça va, Obama? Ouais, tu vas dire, dis donc, t'as maigri, tu vois. Je suis sûr. Ils sont pas subversifs. Les vrais subversifs, c'est qui? C'est soit les Mujahidins, qui sont dans le front, et qu'ils n'ont pas besoin des médias et de lâcher des phrases qui choquent soi-disant pour se façonner une image alors que c'est tout le scénario a déjà été écrit. Hein? En ce moment où je vous parle, ils sont en train de combattre soit dans la chaleur de l'Irak, de l'Afghanistan, des Philippines, soit dans la froideur de la Tchétchénie. Et jusqu'à preuve du contraire, ce sont des méchants sunnites ou wahhabites alors que beaucoup d'ignorants et beaucoup d'imbéciles confondent tout simplement ce qu'on appelle les salafistes pro-Saoud, alors que eux n'ont strictement rien à voir avec les salafs salih, et qu'ils n'ont strictement rien à voir avec Mohamed ibn Abdul Wahhab, hein. Mohamed ibn Abdul Wahhab est innocent de Saoud et de l'Arabie Saoudite. Ils confondent cela avec ce qu'on appelle les mouahidines salafis jihadis, si on veut, tu vois. Donc, c'est des musulmans, ils se revendiquent juste musulmans. Ceux qui, bien sûr, pour eux, tous les gouvernements sont impies. Que ce soit d'ordre théologique, les preuves sont là, ou d'ordre géopolitique, on sait par qui ils ont été mis en place. Donc il est remis et combat de fissabilité au moment où nous on est en train de glander. C'est eux les vrais subversifs. C'est eux ceux qui s'attaquent vraiment au système, à la racine même du système. Ils sont pas médiatisés, hein. Il y a plus avantage à ce qu'on médiatise Massoud que Khattab, par exemple. Il y a plus avantage à ce qu'on médiatise Ahmadinejad que Bassaïev. Tu vois? Et donc, voilà, tout a été voulu. Et tout évolue. Une orchestration médiatique constante. Toutes les vraies subversives. Ce sont soit les moudjahidines qui attaquent, qui sont au front, puis s'habiller là avec une seule envie, c'est d'élever la parole d'Allah Azawajal, hein, et pas faire du show ou mettre un émir rachid en collaboration avec les Américains dans les coulisses ou ainsi de suite. Ceux qui ont comme but de mettre un État islamique, Inch'Allah, global, mais d'abord dans les terres respectifs, hein, ou bien ce sont ceux qui appliquent le djihad al-qalam, hein, le djihad par la parole et qui disent la vérité. Que ce soit les savants, que ce soit le serrurier, le boulanger, l'homme de science, celui qui dit la vérité, quitte à avoir des problèmes. On le connaît. Les savants qui disent le haqq, on sait où ils sont. Ils sont tous enfermés, ils sont tous en prison. Hein? Les vrais savants sont coupés médiatiquement, emprisonnés, torturés, violés, voire tués. Leurs familles pareilles. Hein? Le grand chiour de l'Hamoud Qarachouahibi, qui est inconnu au bataillon, pas beaucoup de personnes le connaissent. Hein? Cheikh El Fizazi, Cheikh Abou Mohamed El Maqdisi, on les traite de tekfirioun, d'extrémistes, alors que eux, ce sont les premiers à dire, venez de base, si on est tekfiri, si on est extrémiste, et bon, on leur répond à coup de fatwa, un pro-gouverneur pour les mettre en prison. Cheikh Nasser El Fahd, hein, tous les grands savants, là, on les coupe médiatiquement, ils sont inconnus du grand public, et on met sur Al Jazeera, et toutes les chaînes, les trucs du mot officiel, etc., on met des Qardawi, on met, voilà. Ici en Europe, on est à la Pramada, et ainsi de suite. Voilà. Alors qu'ils ne sont pas vraiment subversifs. Ils sont plus pro-citoyens, pro-intégration, pro-système, quoi. Tu vois? C'est un peu comme un rappeur. Les gens, certains disent, croient que les rappeurs en général, pas tous, puisque voilà, ils ont certains textes, on va dire, assez cohérents et assez subversifs dans certains trucs, mais en général, le rappeur qui dit, excusez-moi du terme, je nique l'État, il n'y a rien de subversif là-dedans. Il n'y a rien d'anti-système. Pourquoi? Parce que c'est un peu de l'amour violent. Pourquoi en général un rappeur dit je nique l'État? Pour une simple bonne raison que quand un rappeur dit je nique l'État, c'est parce qu'il veut s'intégrer. Il n'a pas bon que celui qui s'appelle Constantin et qui est trop blond, hein, et qui a les yeux trop clairs, a une petite place tranquille dans le système. Alors lui, il la veut aussi cette place. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il insulte. C'est similaire à un gamin dans une maternelle, hein, où la maîtresse donne des bonbons à tous les Constantins, tous les Jean-Jacques, et lui, Mohamed, il est là, il voit ça, et puis il dit à la maîtresse, mais espèce de poufias, sale pute, hachek, je te nique, moi, hachek, hein, pour reprendre les termes, hein, moi aussi je veux des bonbons. Et donc c'est de l'amour violent, en fin de compte. C'est pas des gens qui sont anti-système, en général, les discours des rappeurs, par exemple, si on prend cet exemple, parmi tant d'autres. Justement, c'est un discours pro-système. Dire nique l'État, c'est de l'amour violent. Parce qu'on aime ce système, on veut s'intégrer, on veut être là-dedans, tu vois. Pour, bien sûr, avoir la même place, pour ne pas dire une meilleure place que les Constantins et les Jean-Jacques. Ouais. Donc, on vit dans une époque où les soi-disant rebelles, les vrais, les subversifs, enfin, les soi-disant, les faux subversifs, etc., sont tous mis en valeur. Alors que les vrais, ceux qui ont vraiment compris comment la chose fonctionne, qui ont compris le tawhid authentique, les fondements, là, il y a un problème. Il y a un gros problème. Donc, c'est ça le truc. C'est que, tout a été fait pour que l'homme, la femme, via ses 8 heures de travail par jour, rentre crevé à la maison, n'a plus le temps d'étudier, n'a plus le temps de s'instruire, n'a plus le temps de se cultiver, le temps qu'il mange, le temps qu'il fait ce qu'il a à faire avec sa femme, il dort et puis le lendemain il recommence. Donc ce qui fait que la majorité des ouvriers, hein, fonctionnaires, etc., des gens qui travaillent 8 heures par jour constamment, le sakine, c'est des gens qui sont pas très cultivés. Et c'est pas un reproche, c'est pas un rabaissement de le dire, c'est un constat, et c'est vrai. Parce que eux-mêmes disent, ceux qui sont vraiment dans le monde du travail, ceux qui, voilà quoi, je suis dans ma société, je lâche pas le truc, et je travaille pour mon patron là, c'est des gens, s'ils veulent étudier, ils te disent clairement, je dois prendre une année sabbatique. Et ça rejoint un peu le discours du traité de Lausanne, hein. Parmi le discours du traité de Lausanne, il y a eu le fait de faire une sorte de séparation entre le peuple, qui sera ouvrier, manuel, consommateur en même temps, fabricant, hein, qui lui, on lui donnera tout simplement ce qu'il demande, argent, consommation, une sorte de confort, hein, dans l'ordre du prolétariat, et ce qui serait la culture, l'intelligence, l'esprit critique, les recherches, etc., on le donnera à une certaine élite. Donc ce sera les BHL, les Finkielkraut et compagnie, enfin voilà, et monsieur, madame, tout le monde n'étudie pas, quoi, en gros, enfin, passe à l'école, on connaît tous déjà, on connaît déjà le dessin, histoire filtrée, géopolitique quasi nulle, hein, gare à coup de la Shoah, coup de révolution, une petite partie de l'histoire et encore elle filtrait le darwinisme et ainsi de suite. Voilà quoi, donc déjà l'école à la base c'est pas vraiment, je pense pas que en sortant de l'école tu sois René Guénon quoi. Non, je pense que l'école, bon, tu prends des bons, tu prends ce qui est important, les maths, les choses qui sont, on va dire, dont le filtrage ou pas, ça reste quelque chose qui est important, enfin qui peut te servir. Mais sinon, je pense pas que tu vas devenir René Guénon passant par l'école, tout simplement, sans faire des recherches à côté autodidacte. Tu vois? Donc le truc, c'est quoi? C'est que, on fait que le peuple devient con, tout simplement, consomme et travaille, et il ferme sa gueule, et puis on le fait comprendre, en gros, ferme ta gueule, hein, le peuple, ta gueule, hein, travaille comme une merde, 8 heures par jour, en crever, limite, t'es tellement foutu, t'as même pas le temps de faire l'amour à ta femme, parce que tu stresses devant ton patron qui dit stress, des problèmes d'érection, et ensuite, boum, divorce, et puis t'es foutu. Hein, et ferme ta gueule, noie-toi dans l'alcool, dans le joint, bref, n'utilise pas ton cerveau, et demain, réveille-toi pour retravailler chez moi, hein. Donc, il y a la pression, salaire de merde, travail de merde, hein. Parce que des gens confondent, l'ibada, l'adoration, qui est le travail dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé, l'esclavagisme moderne, hein. Parce qu'il y a beaucoup de cons qui disent encore, ouais, mais le travail est une adoration, mais quel genre de travail? Est-ce que c'est le travail qui te permet d'avoir le temps de faire tes salats, et qui te permet d'avoir le temps d'étudier? Hein, ce qui a été le travail dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait, ou bien c'est le travail qui fait qu'il te prend toute ta journée au point que t'as pas le temps d'étudier, t'as pas le temps de te cultiver, tu suis comme un mouton, puis tu meurs comme une merde. Hein? Même les gens qui sont non musulmans, ils comprennent que c'est l'esclavagisme moderne. Hein? Quand tu retournes en arrière, des décennies en arrière, hein, le traité de Lausanne, et autres, tu comprends ce qu'il y a, tu comprends le but. Enfin bref, donc voilà ce qui se passe, c'est que la culture, etc., on la donne à l'élite, hein, les milliardaires, philosophes et compagnie, donc ils pensent pour nous, ils pensent pour le peuple. Musulman ou non, ferme ta gueule, on pense pour toi, on te dit ce qui est bon, ce qui est pas bon. Alors que non, pas besoin de ces bourricots, ces imbéciles. Tu vois, tu dois étudier, tu dois comprendre. Parce qu'il n'y a rien de plus conformiste en ce moment, hein, que la conspiration et soutenir Ahmadinejad. Il n'y a pas rien de plus conformiste. Limite, tu dis, écoutez, j'ai le droit d'être pas en accord avec Ahmadinejad, théologiquement parlant et géopolitiquement parlant, je suis pas en accord avec lui. Sans pour autant qu'on taxe de pro El Saoud, parce que pour moi les deux ils sont dans le même truc. Même si El Saoud, son côté hypocrite, etc., est plus flagrant que Ahmadinejad, pour moi ils sont dans le même truc. D'accord? C'est pas parce que tu es anti-Ahmadinejad que tu vas être pro El Saoud. Les gens ils sont dans une parano totale. Faut avoir un esprit objectif et comprendre qui sont les vrais subversifs, les vrais anti-systèmes. Ce sont les Mujahideen et ceux qui disent la vérité. Peu importe, hein, si on vient leur casser la tête à 6 heures du matin. Si on les perquisitionne, si on les met en prison, et dans les pays arabes, si on les torture, voire on les tue. C'est des gens, ils s'en fichent, ils sont pas dans ce délire-là. Ils sont pas dans ce truc-là. Ils aiment la vérité et la mort autant que les gens aiment le mensonge et la dunya et la vie. C'est ça qui différencie. Ça veut tout dire. Donc, déjà, il y a un gros travail pour les musulmans, pour la Ummah, notamment en Occident. Déjà, un éveil spirituel et comprendre le vrai tawhid authentique, revenir aux sources, et non le tawhid falsifié ou théorisé à la mode El Saoud, théorisé à la mode soufi qui ont extrémisé le tasawuf, qui ont fait n'importe quoi du tasawuf, ou à la mode sahab intégration, citoyenneté, je travaille pour mon pays, je le fais grandir, je suis un patriote et compagnie. Hein, le vrai tawhid authentique, en même temps, sociologiquement parlant, psychologiquement parlant, se forger un caractère marginal, hein, ne pas adhérer au matérialisme, comme l'explique Malek Benhabi, un penseur algérien, hein, oui, il parle du chosé-isme, hein, c'était sa façon à lui d'exprimer le matérialisme, la consommation, ne pas être là-dedans. Hein, ne pas être un imbécile de mouton qui va poser avec les derniers Louis Vuitton ou les dernières lunettes à 300, 400 euros, là, comme un imbécile, je pose avec. Hein, et voilà, je gaspille 500 ou 600 euros pour des lunettes ou pour des conneries de jeans. Tu vois, le musulman doit avoir déjà aussi bien une base théologique, ce qui est le plus important, aussi bien aussi, et aussi une base psychologique importante. Un côté marginal, un côté, je comprends ce qui se passe et j'en ai plus rien à foutre, donc je dis ce qu'il y a. Donc voilà, c'est ça le truc. Et, donc les vrais subversifs, bien sûr, mais les a coupés médiatiquement, et il n'y a rien d'étonnant. Allah Azza wa Jalla, le Coran nous a prévenus. Tant qu'ils ne seront pas satisfaits de nous, tant qu'on ne sera pas comme eux, ils ne seront pas satisfaits de nous. C'est clair. Les ahadis, ils sont clairs par rapport à ça. Les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, al-khuraba, les étrangers. Quand le prophète a parlé de ça, les étrangers dans le sens où, musulmans qui ont compris les tawhid authentiques, qui seront anti-système. Pas être anti-système pour être anti-système. Si maintenant le Khilafa est mis en place, bien sûr qu'on va pas être anti-système. Mais anti-système, tout ce qui est loi impie. Système impie forgé par l'homme, par le mortel, par l'humain. Celui qui se lève chaque matin et qui excusez-moi du terme, qui lâchent la grosse chala. Des lois qui ont été pondues par des gens comme ça, enfin, par des humains. Anti-système dans ce sens-là. Anti-mensonge. Hein? Le faux est mêlé avec le vrai. Attention, j'ai être objectif. Je dis pas qu'il y a, voilà, je rejette tout en bloc. Hein? Dans le sens où, Ahmadinejad, il faut tout rejeter. Même El Saoud, il faut tout rejeter, etc. Non. Il y a des choses qui sont bien. Par exemple, El Saoud, bien malgré son côté vendu, etc., il y a certains savants qui, de façon théorique, ont expliqué de certaines choses. Mais par pression de la hiérarchie, ils n'ont pas cité de nom, mais ils ont expliqué dans certains de leurs ouvrages, notamment Fawzan, dans Char al-Aqid al-Islam, l'explication des annulations d'Islam. Je crois que c'était le chapitre 6, si mes souvenirs sont bons. Il explique bien sûr la structure étatique impie, la structure étatique légitime en Islam. Il explique de façon théorique. C'est un bon bouquin, mais il n'a pas cité de nom. On peut le comprendre. Tout comme Ahmadinejad, il y a certaines de ses paroles qui sont véridiques, mais moi je pense que c'est du show, tout simplement. Donc les vrais subversifs, les vrais antisystèmes, les vrais marginaux, ce sont ni ceux qui sont là, antisionistes, les Palestines, etc., Ahmadinejad, Hezbollah, ni les Sahab, Jnik, l'État et compagnie, c'est les Mujahideen, ou bien ceux qui ont compris et qui défendent les Mujahideen, et qui défendent tout simplement le tawhid authentique. Et c'est même pas une question juste islamique. Tu peux trouver des occidentaux non musulmans critiquer cela. Désobéissance civile et démocratie. Écrit par un anarchiste américain dedans, tu vois ça. Vergès, pareil. Même Jean-Jacques Rousseau lui-même, dans l'introduction de l'un de ses ouvrages, il fait une critique de la démocratie. En appelant une démocratie plus participative, etc. Enfin bref, il y a même des non musulmans qui comprennent un peu le délire. Et enfin bref, il y a tout un truc qui fait que les gens savent plus, ouais, lui c'est le meilleur, on en fait un continent. Tu vois, c'est. En fait, si t'es anti-Iran, t'es pro-Saoud. Tu vois? Si t'es anti-Saoud, t'es pro-Iran. C'est n'importe quoi. C'est le juste milieu qu'il faut avoir. C'est le juste milieu. C'est comme la Palestine, par exemple. La Palestine, c'est devenu, voilà, parce que tous les médias sont braqués sur la Palestine, on dit vive la Palestine. Si demain les gens vont dire vive les pandas, tout le monde va dire vive les pandas. Parce que voilà, c'est devenu un peu bling-bling de parler de la Palestine. Mais jusqu'à preuve du contraire, les bombes que ramassent les Pakistanais, ce sont les mêmes bombes que ramassent les Palestiniens aussi. Via les drones israéliens, par exemple. Les balles que ramassent, les cœurs qui s'arrêtent parmi nos frères et nos sœurs somaliens, tchétchènes, au Cachemire, aux Philippines, en Afghanistan, en Irak, ben ce sont les mêmes cœurs, hein, les mêmes cœurs que les Palestiniens. Les tchétchènes, c'est abominable, c'est un truc de malade ce qu'ils ont. Les tortures, parce que les Russes, pour voir un peu le délire des Russes. Sab vodka, le type il est là, vodka, il t'ampute des jambes, il déchique les Tchétchènes, et après il passe en rigolant, avec de la grosse vodka, hein, des gros biéreux de merde, il passe dans, chez les mères, là, des Tchétchènes tués, il donne dans un sac poubelle les membres, hein, le corps déchiqueté en lui disant, paye-moi, comme ça tu peux prendre le sac et enterre ton fils. Documentez-vous un peu sur ce qui passe en Tchétchène. Mais c'est vrai que ça ne veut pas très vendre quand on parle de Tchétchène. Vous jouez les subversifs de service à dire Palestine, Ahmadinejad, l'Iran. Vous êtes totalement conformiste en disant ça. Hein? Parce que l'anticonformiste peut devenir du conformisme au bout d'un moment. Pourquoi? Parce qu'on a tellement l'impression d'être celui qui est à part, ouais, j'ai compris. En fin de compte, t'es dans le moulin. Tu vois? Mais ceux qui sont coupés médiatiquement, tués, tous les servants du Haqq, ceux-là, eux, ce sont les vrais subversifs. Eux qui ont compris. Pourtant, aucune caméra se braque vers eux. Et c'est nous, les frères, hein, qui ont une certaine conscience, qu'on a connu leur existence en faisant des recherches de malades. Donc le truc c'est quoi? C'est que on s'est pas contenté d'écouter radio, je sais pas, Al-Mana ou Al Jazeera ou je sais pas quoi pour savoir leur existence. On s'est posé multiples questions. Comment ça se fait qu'en même temps les gens, certains islamologues appellent à voter, d'autres soutiennent l'Iran alors que l'Iran, il y a eu ça, la démocratie, il y a ça et tout. Est-ce qu'il y a un savant qui a parlé de ça? Et puis après, on voit la fatwa d'un savant pro El Saoud, pro régime saoudien, dans lequel il critique un certain Shir Mansour Al-Fadl. Qu'est-ce qu'ils disent de lui? Sur lui? Il dit que c'est un extrémiste et tout, parce qu'il est contre le fait qu'il y ait des bases militaires en Arabie Saoudite. Et c'est un bon, lui. Comment il s'appelle? Mansour Al-Fadl. Et puis tu fais des recherches dessus, tu tombes sur un vrai savant. C'est comme ça. Mais les gens n'aiment pas rechercher la vérité, alors qu'Allah, le prophète Moussa, nous a prévenus, nous l'a dit clairement. On doit aller rechercher la vérité. Enfin bref.